죽지 않더니 le tueur, le tueur fou de messe. Je ne suis pas le tireur. Le tueur, le tueur, le tueur fou de messe. Je ne suis pas le tireur. J'ai plus de ton problème. Et même si j'ai un problème avec mon cerveau en ce moment, à cause de vous. Tu vas fou de messe. Non, non, je ne suis pas le tireur fou, le tueur fou de messe. Non, non, je ne suis pas le tireur fou, le tueur fou de messe. Et même si ça pète un peu partout en France, je ne suis pas le tireur fou.